ne suis qu'athée. Je n'aime pas le caté. Moi l'ignorant en catéchisme, indifférent même au grand schisme. J'aime pourtant les cathédrales, je les aime d'un amour intégral. J'aime pourtant les cathédrales, je les aime d'un amour intégral. Des légendes colportées qui disent qu'elles seraient orientées vers la Mecque ou Jérusalem. Moi les cathédrales, je les aime. Dirait-on qu'elles s'inclinent au couchant? Je trouverais cela encore touchant. Aurait-elle le cœur au levant? Je m'en irais pas moins rêvant. Moi qui n'aime pas le caté, je contemple les hautes pointes sans me soucier vers où elles pointent. Moi j'aime bien les cathédrales, je les aime d'un amour intégral. Moi j'aime bien les cathédrales, je les aime d'un amour intégral.